Chapitre 1 Version finale. Titre, Ousmane Sonko, parcours d'un leader entre administration, résistance et pouvoir. Introduction. Ousmane Sonko incarne une trajectoire politique unique au Sénégal. Né en 1974 à Thiès, il passe d'un parcours d'inspecteur des impôts à celui de Premier ministre, en traversant des épreuves judiciaires et des batailles politiques qui ont marqué l'histoire récente du pays. Son ascension reflète les tensions entre un système politique traditionnel et une jeunesse en quête de rupture. Ce chapitre retrace les étapes clés de sa vie, de sa formation à son accession au pouvoir, en passant par les controverses qui ont forgé son image de leader contestataire. Origine et formation, les racines d'un engagement. Ousmane Sonko naît le 15 juillet 1974 à Thiès, dans une famille aux origines diversifiées, un père casamançais et une mère baolo-baolin. Son enfance, partagée entre Sébikotane et la Casamance, est marquée par une sensibilité aux inégalités régionales et aux questions identitaires, thème récurrent dans son discours politique ultérieur. Son parcours académique est celui d'un étudiant brillant en droit et en finances publiques. 1993, obtention du baccalauréat, puis inscription à l'université Gaston Berger de Saint-Louis en sciences juridiques. 1999, maîtrise en droit public. 2001, diplômé de l'École nationale d'administration, ENA, section impôts et domaine 2. 2003, DEA en finances publiques et fiscalité à l'UCAD. Doctorant en droit public économique et fiscalité à l'université Jean Moulin Lyon 3. Cette formation rigoureuse lui donne les outils pour analyser et plus tard critiquer la gestion des ressources publiques par l'État sénégalais. Note. 2. Carrière administrative, de l'inspecteur des impôts au syndicaliste contestataire. Sonko intègre l'administration fiscale en 2001, où il se distingue par son intégrité et son refus des pratiques clientélistes. En 2005, il fonde le syndicat autonome des agents des impôts et domaines, SED, dont il devient le secrétaire général 3. Le SED dénonce les dysfonctionnements au sein des impôts et domaines, et Sonko s'impose comme une voix critique contre la corruption. En août 2016, il est radié de l'administration pour manquement au devoir de réserve, après avoir accusé le président Macky Sall de malversation fiscale 4. Cette radiation, perçue comme une tentative de musellement, le propulse sur le devant de la scène médiatique et en fait un symbole de la résistance contre le système politique en place. Note. 3. L'entrée en politique, la naissance du PASTEF et l'ascension fulgurante. Fondation du PASTEF. En 2014, Sonko fonde le PASTEF, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, un parti de gauche qui prône la souveraineté nationale, la justice sociale et la lutte contre la corruption 5. Le PASTEF séduit rapidement une jeunesse en quête de changement. Parcours électoral. 2017, élu député à l'Assemblée nationale. 2019, candidat à la présidentielle, il termine troisième avec 15,67% des voix 6. 2022, remporte la mairie de Ziguinchor avec 56,31% des voix 7. Épreuve et résilience. En juillet 2023, le PASTEF est dissous par le gouvernement pour des appels présumés à des mouvements insurrectionnels et 8. Cette dissolution est abrogée le 27 mars 2024, trois jours après la victoire de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle. Note. 4 affaires judiciaires, un parcours semé d'embûches. Sonko est confronté à plusieurs affaires judiciaires, qui polarisent l'opinion publique. 2021, accusé de viol par Hadji Sarr, il dénonce une instrumentalisation politique. En juin 2023, il est acquitté des accusations de viol mais condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse à 9. 2024, sa candidature à la présidentielle est invalidée par le Conseil constitutionnel 10. Ces affaires renforcent son image de victime d'un système répressif, tout en alimentant les débats sur l'indépendance de la justice sénégalaise. Note. V. Premier ministre, le pouvoir et ses défis. Nomination et première réforme. Le 2 avril 2024, Sonko est nommé Premier ministre par le président Bassirou Diomaye Faye 11. Il forme un gouvernement composé majoritairement de membres du PASTEF et annonce un programme de rupture. Réforme fiscale pour lutter contre la corruption. Abrogation de la loi d'amnistie couvrant les violences politiques de 2021 à 2024. Mise en place d'un plan national de sécurité sociale universelle. Victoire législative et tensions internes. Lors des élections législatives du 17 novembre 2024, le PASTEF remporte 130 sièges sur 165, soit 78% des sièges 12. Cependant, des tensions apparaissent entre Sonko et le président Faye, avec des divisions au sein du PASTEF et de la coalition présidentielle. Note. Conclusion. Le parcours d'Ousmane Sonko, de l'administration fiscale au poste de Premier ministre, illustre les dynamiques politiques complexes du Sénégal contemporain. Son histoire est celle d'une résistance face à un système qu'il juge corrompu, mais aussi celle d'un leader controversé, dont les méthodes et les idées continuent de diviser. Ce chapitre pose les bases pour analyser, dans les prochains chapitres, son idéologie, ses réformes et son héritage politique.